18h, 19h, Convergence. Culture et musique électro-underground. Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Convergence sur les ondes de Croc Radio. Aujourd'hui, place à l'équipe de CWR, donc Cosmic Wave Records, qui nous fait un petit back-to-back. Après, ils vont nous faire une petite interview sur la fin pour se présenter, pour donner quelques infos. Voilà, donc on vous laisse écouter, on vous laisse profiter. N'hésitez pas, c'est sur les réseaux sociaux aussi, allez voir. Enfin voilà, faites-vous plaisir, bonne écoute à tous, salut. My unconscious mind. Which way I ought to go from here? I don't much care where. But it doesn't matter which way you go. So long as I get somewhere. How long is forever? Sometimes just a second. I'm afraid I can't explain myself, sir, because I'm not myself. I'm not myself. I'm not myself. I wonder if I've changed in the night. Let me think. Well, the same as I hear this morning. I almost think I can remember feeling a little different. What do I not say in this question is, who in the world am I? Who in the world am I? We'll be right back. Voilà, vous avez écouté Cosmic Wave Record. Donc du coup, on va faire un petit interview avec tous les gars qui sont présents. Donc je vais vous laisser un petit peu se présenter, donc un par un. Donc j'ai une première question pour vous les mecs. Coup, j'espère que vous allez bien déjà. Ouais, ça va, c'est l'invitation. Cool. Bon, je vous en prie, j'espère que vous avez bien kiffé. Une première question, c'est afin que nos auditeurs vous connaissent un peu mieux, je vais vous laisser vous présenter. Ok. Qui commence? Allez, hein, j'y vais. Hein. Jimmy, je suis un des fondateurs de Cosmic Wave. Et voilà, on s'occupe, je m'occupais du booking et voilà, après. Actuellement, tu t'occupes que du booking? Ouais, non, actuellement, pas non. Moins de temps. C'est terminé. Ok, très bien. Moi, Valentin, du coup, membre fondateur également de Cosmic Wave il y a 4 ans pratiquement, en 2015. Moi, je m'occupe principalement de la programmation à Lyon. Donc voilà, c'est quelque chose qui est assez naturel aussi pour moi maintenant, pour les dates qu'on fait aussi sur la région lyonnaise. Puis également aussi toute la gestion, c'est l'association, également du label, avec également Clément et Louis, qui sont deux autres personnes, deux autres artistes de l'association. Membre aussi également de Cosmic Wave Record, donc voilà, c'est beaucoup de choses aussi, ça va être un peu compliqué de généraliser, mais je vais passer la parole du coup à Alexandre. Alex, du coup, ancien bénévole et actuellement trésorier de l'asso, et surtout ami des DJ de l'asso depuis quasiment le début, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, je pense que c'est un bon résumé. Parfait. Et Guillaume, artiste dans l'asso depuis maintenant une petite année, on va dire, quelques mois, ouais. Et voilà, je suis monté à Lyon pour faire du son, pour pouvoir m'exprimer, ils m'ont ouvert les bras. Merci à eux, quoi. Et maintenant, c'est des potes, voilà. Bon, super, merci à vous. Donc maintenant qu'on vous connaît un peu mieux, je vais vous laisser présenter votre asso. Qu'est-ce que vous faites de beau, choses comme ça, quoi. Alors, Cosmic Wave Record, à la base, en 2015, on a fondé cette association, dans le but de réunir un peu les connaissances et puis la passion aussi ensemble. Ouais, et puis c'était pour faire nos soirées. C'est ça, exactement. Pouvoir organiser des soirées de temps en temps et puis monter un petit crew entre potes. Et puis c'est devenu plus sérieux par la suite. Et du coup, on a pensé du coup à un projet de label pour pouvoir faire de la production. Et puis également aussi pouvoir faire de la promotion artistique, pouvoir aussi... sur les réseaux, sur toutes ces choses-là, pouvoir aussi communiquer sur ce qu'on fait, puis pour proposer aussi des... Parce que mine de rien, on fait aussi un peu de musique à côté, et c'est cool de pouvoir le prononcer, quoi. Ouais, puis c'est ça, la base du truc, c'est de faire de la musique, donc il fallait bien qu'au moment on se tourne vers la production et qu'on commence à sortir nos sons, quoi. Voilà. Donc il y a l'aspect label. Et puis collaborer aussi avec d'autres personnes, parce que c'est pour ça qu'on a créé ça, c'est pas dans le but de faire les choses aussi de son côté, c'est aussi de pouvoir... être en lien avec les acteurs lyonnais, d'ailleurs, faire des échanges artistiques entre villes. Donc voilà, c'est assez sympa et on a commencé un petit peu dans ce sens-là, donc c'est plutôt cool. C'est sympa. Et du coup, par rapport à votre asso, après, où est-ce qu'on peut vous écouter? Je sais pas, des SoundCloud, des MixCloud, des choses comme ça, quoi, sur les réseaux sociaux? Ouais, sur le SoundCloud. Après, pareil, il y a une page Facebook, il y a ça, les artistes, pareil, ils ont leur SoundCloud. Vous pourrez retrouver tout ça là-dessus. Après, sur Lyon, quoi. En soirée. Il y a un magnifique site internet aussi qui arrive. Ouais, qui arrive bientôt. On a un ancien site qui est en ligne, qui est un peu old school, on va dire. On aimerait bien rénover tout ça et puis surtout faire du référencement beaucoup plus sur les artistes qu'on a déjà bookés, sur les personnes avec qui on a déjà collaboré. Donc ça permet aussi de commencer par là l'échange aussi visuel. Et puis, c'est une bonne façade pour pouvoir aussi avoir l'actualité et puis pour que les gens puissent se renseigner sur le site internet, quoi. Donc soyez prêts, ça arrive. Petite exclue du jour. Alors est-ce que vous en avez une autre à nous balancer ou pas? Pas tout d'un coup, pas trop grand, s'il te plaît. Non, ça marche, mais en tout cas merci les gars. Je sais pas, après par rapport à vos sorties de label, ce qui est déjà fait, ce qui va être fait, vos prochaines sorties, dates, enfin des choses comme ça, vous avez des infos? Eh bien, pour le label, on a deux sorties numériques qui vont sortir bientôt. Donc, je peux pas trop le communiquer parce que les choses sont pas encore secret faites. Défense. Bon, c'est pas vraiment secret. C'est surtout que c'est aussi par expérience. C'est souvent parler de la sortie avant qu'elle soit sortie. C'est compliqué pour un artiste, sachant qu'il y a pas les validations qui sont faites de chaque côté. Donc, faut proposer quelque chose alors que c'est sûr. Et là, c'est imminent en tout cas. On va dire qu'il y a 90% de on va dire qu'on est sûr de pouvoir sortir ces choses-là, quoi. Non, après, il y a le EP de Vardek qui est sorti récemment, Nine Beats qui a sorti d'autres choses, donc ouais, non, ouais. Ça bouge pas mal. Ouais, ok, c'est cool. Et du coup, vous avez des dates bientôt? Comment ça se passe? Ouais, une 1er mars la semaine prochaine, donc avec Kai Pravda, donc sur Lyon au terminal, notre résidence, on va dire, trimestrielle. Ouais, c'est ça. Ouais. Plutôt, non. Tous les deux mois, plutôt, ouais. Et là, c'est une date techno, donc on a vraiment voulu s'exprimer sur quelque chose de plus industriel, et c'est un artiste qu'on confectionne bien depuis un petit moment. Puis même Guillaume, on a un peu les mêmes influences aussi au niveau de la techno, ouais, puisque un Guillaume, petit kick Pravda dans le mix, là, juste avant. Voilà, tout ça. Qui a bien plu. On a pu en insérer un, hein, c'est ouais. Ça. Bon, bah c'est cool, merci les gars. Vous avez un petit mot pour la fin ou pas? Écoutez les gars, merci d'invitation. Carrément, merci à vous. Ouais. Et puis... on est sur Lyon pour ceux qui se retrouvent sur la terre lyonnaise. Exactement. Venez tous le 1er mars au terminal, s'il vous plaît. important. Très grosse soirée. Beaucoup de soirées le 1er mars. Après, ça sera au goût et aux couleurs. Et puis, par contre, en signe de techno, il n'y a pas de problème, on sera là. Eh bien, écoutez, merci à vous en tout cas. Merci pour ce mix qui était vraiment très, très, très sympa. Tu nous as bien mis la chauffe. T'as l'air étonné. Non, je suis désolé, c'est normal. Ah putain, mais non, bien évidemment que je ne suis pas étonné, c'était normal. Mais effectivement, ça nous a bien mis la chauffe pour faire un petit after. Donc, eh bien, écoutez, justement, en parlant d'after, on va ça laisser la place voilà. Exactement, à David qui va nous faire le petit agenda donc des soirées lyonnaises. Et puis, ben voilà. En tout cas, merci à vous les gars, à très bientôt. Merci. Et merci. À David. Merci. Salut. À très vite. Ciao. Bonsoir à tous, ouais, merci de m'avoir introduit le petit agenda des soirées qui fonctionne bien donc à Lyon, mais pas qu'à Lyon, on a une petite aussi à côté de Grenoble. Donc on commence pour aujourd'hui donc sur Lyon, en before on vous conseille le Beast to Fly qui invite Carable Records, donc jusqu'à 1h. Vous avez au Super 5 la soirée Enter in the Tunnel et qui invite Stakan, donc ancien du Terminal. Donc jusqu'à 1h aussi. Vous avez le collectif Happiness Therapy qui fête ses 5 ans au Petit Salon. Et ils invitent le Cornel Kovacs. Et à l'occasion, ils marqueront la sortie de leur label. Vous avez pour les rêveurs au Ninkazikao, la soirée Legacy. Donc attendez-vous à entendre des sonorités raw et rave. Donc ça doit bien envoyer ce soir. Donc réservez-vous pour votre soirée. Enfin, on va terminer avec la soirée Sons of House qui présente la 5e édition de Permission au Terminal. Pour la semaine prochaine, donc on vous en a parlé, la petite soirée de Cosmic Wave Records, donc le vendredi au Terminal, qui invite l'espagnol Kaik Pravda, donc sur le label Senoid Records. Donc prenez vos places tout de suite, le Terminal n'est pas non plus très très grand, donc allez-y. On va le remplir, ça va être vite rempli tout ça. Yes, prenez-en, yes, prenez-en. C'est clair. On continue, donc il y a Tapage Nocturne aussi qui fait une session techno hardcore au Transbo et qui invite KRTM et Twan pour un live hybride. Enfin, il y a Radio Meu qui organise au Sucre une petite soirée avec les Shaitan Brothers. Donc ça va être bien piqué et ça va être du grand n'importe quoi, donc on vous les conseille aussi. Pour le samedi, Nymphony Records, donc du côté de Grenoble, ils invitent à la Belle Électrique Spencer Parker qui vient de sortir son nouvel album Dance Music, donc très techno, sur la belle Work Them. Et puis, donc, petit dernier, plus sur l'aspect orchestre, Voracles Orchestra, donc il sera au Transbo, c'est déjà sold out. Il sera avec la Philharmonie Provence-Méditerranée. Donc, si vous arrivez à choper des places ou si vous en avez, tant mieux pour vous, profitez-en là. Et bien, écoutez. Il nous reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée. On vous remercie de votre écoute. Donc, ils nous recevaient aujourd'hui le label Cosmic Wave Records. Et merci à nouveau. On les remercie d'avoir pris le temps de venir nous exploser leur techno et leur label. Merci C'était à vous. C'était cool, merci pour l'invite. C'était un plaisir. À bientôt. On vous retrouve la semaine prochaine sur Croc Radio et sur les antennes, les internets. Bonsoir à tous. 18h, 19h, Convergence. Culture et musique électro-underground.